إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله لا يخفى عليكم ما حدث الأسبوع الماضي في مدينة باريس وما حولها من الجراهم والهجمات وقتل الأبرياء بغير حق ولا شك ولا ريب أن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية لا يقرها عقل ولا دين فمستعينا بالله عز وجل سنحاول أن نبين في هذه الخطبة موقف المسلمين عموما والسلفيين خصوصا من هذه الأعمال وبراءة الإسلام منها ومن أصحابها المجرمين serviteur d'Allah, vous n'ignorez pas ce qui s'est produit la semaine dernière dans la ville de Paris et ses alentours comme crime, attaques et meurtres d'innocents. Et il n'y a aucun doute que ces actes terroristes et criminels ne sont admis par aucune raison et par aucune religion. Nous allons donc, tout en implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tenter d'exposer dans ce sermon la position des musulmans de manière générale et des salafis de façon particulière et démontrer l'innocence de l'islam vis-à-vis de ces actes et de leurs auteurs criminel. عباد الله الدين الإسلامي قائم على أداء حقوق الله وحقوق خلقه فحق الله سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا وحق المخلوقين الإحسان إليهم وحسن الخلق معهم ومنه خلق الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين خلقه قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبها عنده 200 إلا واحدة رواه مسلم وهو سبحانه وتعالى يحب من اتصف بها وأثنى على عباده المتواصين بها قال الله سبحانه وتعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقا وهذه هي الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم serviteur d'Allah, la religion islamique est basée sur l'acquittement des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des droits de ses créatures. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est donc que nous l'adorions sans ne rien lui associer. Et parmi les droits des créatures, il y a le fait d'être bienfaisant envers eux et d'avoir un bon comportement avec eux. Et on compte parmi ce comportement la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a fait de la miséricorde 100 parties. Il en a placé une parmi ses créatures et en a retenu 99 auprès de lui, rapporté par Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se caractérisent par cet attribut. Et il a fait les éloges de ses serviteurs qui se leur joignent mutuellement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce dont la traduction des sens rapprochés est, et c'est être en outre de ceux qui croient et s'en joignent mutuellement l'endurance et s'en joignent mutuellement la miséricorde. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, l'objectif de l'homme doit donc être de profiter aux gens et d'être bienfaisant envers eux dans l'absolu. Et ceci est la miséricorde avec laquelle fut envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-muslimoun, nasibu kulli abdin min al-rahma ala qadri nasibihi min al-huda fa akmalu al-mu'minina imana a'zamuhum rahma wa ashaddu al-khalqi rahmatan hum rusulullah alayhim al-salatu wa salam sa'u li hidayati al-khalq ودعوا قومهم بكل سبيل لإنقاذهم من الهلكة وصبروا على هداهم ولم يستعجلوا بطلب عذابهم. Ô musulmans, la part de miséricorde de chaque serviteur est proportionnelle à sa part de guider. Les croyants les plus complets en termes de foi sont donc les plus miséricordieux. Et parmi les créatures les plus miséricordieux sont les messagers d'Allah, alayhimus salatu wassalam. Ils ont fait des efforts pour obtenir la guidée des gens. Ils ont appelé leur peuple par tous les moyens afin de les sauver de la perdition. Et ils ont patienté sur leur préjudice et ne se sont pas empressés de demander leur châtiment. فَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبحانه وتعالى ومن أسمائه نبي الرحمة رواه النسائي ولما قيل له ادعوا على المشركين قال إني لمبعث لعانا وإنما بعثت رحمة رواه مسلم ولما أداه قومه ناداه ملك الجبال فسلم عليه وقال يا محمد إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه أنسي. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus miséricordieux des créatures d'Allah. On compte parmi ses noms le prophète de la miséricorde, comme l'a rapporté An-Nasa'i. Lorsqu'il lui a été dit « Invoque contre les polythéistes », il répondit « Certes, je n'ai pas été envoyé en tant que maudisseur, mais je n'ai été envoyé qu'en tant que miséricorde », rapporté par Muslim. Lorsque son peuple lui porta préjudice, l'ange des montagnes l'appela, le salua et lui dit « Oh Mohammed, si tu veux, je renverse sur eux les deux montagnes. Si tu veux, je renverserai sur eux les deux montagnes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « J'espère plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul sans ne lui donner aucun associé. » Ayyuhal muslimoun, hakada kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ba'athahu Allah rahmatan lil khalqi amma. فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلنقتدي به قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة السلفيون فدعوتهم دعوة رفق ورحمة قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. Ô musulmans, ainsi était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a envoyé en miséricorde pour l'ensemble de la création. Il a dit ce dont la traduction des sens rapprochés et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Prenons-le donc pour modèle. Allah a dit ce dont la traduction des sens rapprochés. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Et les gens les plus fermes dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les gens de la sunna et du groupe, les salafis. Leur appel est donc douceur et miséricorde. Shir al-Islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit au sujet des gens de la sunna, ils sont les gens les plus savants de la vérité et les plus miséricordieux envers les gens. فَإِذَا عُلِمَ هَذَا كَيْفَ يُنْسَبُ إِلَى الْإِسْلَامِ هَذِهِ الْجَرَاهِمَ الْإِرْهَابِيَّةِ الَّتِي لَا علاقة لها بديننا بل حرمها الإسلام وجعلها من كبائر الآثام قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Si cela est su, comment pourrait-on imputer à l'islam ces crimes terroristes qui n'ont aucun lien avec notre religion? Au contraire, l'islam les interdit et les considère comme des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ce dont la traduction des sens rapprochés est sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Wa qala ta'ala min ajli dhalika katabna ala bani israhila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nas jami'a. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. وَقَالَ تَعَالَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et ne transgressez pas, certes Allah n'aime pas les transgresseurs. وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ إِن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Certes, Allah a commandé l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. فهذه حقيقة ديننا دين الإسلام دين العدل والرحمة فلا خير إلا أمر به ولا شر إلا نهى عنه. Ceci est donc la réalité de notre religion, la religion de l'islam, la religion de l'équité, la religion de la bienfaisance, la religion de la miséricorde. Il n'y a pas un bien sans qu'il ne l'ait ordonné, et il n'y a pas un mal sans qu'il ne l'ait interdit. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن الفرق التي ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة فرق كثيرة، لكن شرها وأخبثها هم الخوارج، إنهم من أشد الناس ضلالا وخطرا على الإسلام والمسلمين، وقد نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، ووصفهم بأوصاف واضحة، ومنها تكفير المسلمين واستحلال دمائهم، ومنها أن الغالب عليهم صغر السن وغلبة الجهل وضعف العقول. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر الخلق وأنهم كلاب النار يوم القيامة. أو مسلمان، certes, les groupes qui se sont égarés de la voie des gens de la Sunna sont nombreux, mais le pire d'entre eux et le plus pernicieux est le groupe des Khawarij. Ils comptent certes parmi les gens les plus égarés et les plus dangereux pour l'islam et les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés dans de nombreux hadiths et les a décrits par certains attributs de façon claire, comme le fait qu'ils taxent de mécréance les musulmans, qu'ils considèrent leur sang licite, que ce qui prédomine chez eux est la jeunesse, l'ignorance et la faiblesse d'esprit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils sont les pires de la création et qu'ils seront les chiens de l'enfer au jour de la résurrection. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَيْفَ يُنْسَبُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَعْمَالُ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمِينَ الضُّلَّالِ الَّذِينَ حَذَّرَ مِنْهُمْ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ أكثر من 1400 سنة، ومن بعده حذر منهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قاتلوهم، ثم حذر منهم التابعون وأتباعهم من أئمة الإسلام والسنة إلى يومنا هذا. فمن نسب أعمال الخوارج الضلال وفكرهم إلى أهل السنة السلفيين فقد ظلم وخرج عن العدل. ودليل ذلك أن أهل السنة السلفيين سلمهم الله وسددهم، متفق على أن الخوارج أهل بدعة وضلالة ومن شرار الخلق وأبعدهم عن القرآن والسنة النبوية ومنهج السلف الصالح. Si la situation est ainsi, comment peut-on imputer à l'islam les œuvres de ces criminels égarés contre lesquels notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde depuis plus de 1400 ans? Puis après lui, les compagnons radiallahu ta'ala anhum ont mis en garde contre eux et les ont même combattus. Puis les tabi'oun ont mis en garde contre eux, puis ceux qui les ont suivis parmi les imams de l'islam et de la sunna de génération en génération, et ce jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, quiconque impute les œuvres, quiconque impute les œuvres de ces khawarij égarés ou leur idéologie aux gens de la sunna, aux salafis, a certes été injuste et n'a pas fait preuve d'équité. La preuve de cela réside dans le fait que les gens de la sunna, les salafis, qu'Allah leur accorde le salut et la rectitude, sont tous d'accord sur le fait que les khawarij sont des gens de l'innovation et de l'égarement parmi les pires créatures. Et les gens les plus éloignés du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la voix des pieux prédécesseurs. عباد الله لا يوجد أحد في الدنيا كلها حذر من الخوارج التكفيريين وبين انحراف منهجهم ومذهبهم أكثر من أهل السنة السلفيين، فهم الذين يحاربون الإرهاب حقيقة، وهذه كتبهم موجودة ودروسهم موجودة تشهد بذلك وزيد على ذلك تحذيراتهم من الخوارج وردودهم عليهم في الخطاب والمحاضرات والفتاوى والمتويات والأشرطة ومواقع الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي وغيرها حتى إنه لا يفقهم أحد لا يفقهم أحد في ذلك. وعلى وجه المثال اعلموا رحمكم الله أنه قد وزع في فرنسا ما يقارب 400,000 متوية في التحذير من داعش والقاعدة منذ أكثر من سنة، فجزاه الله خير الجزاء القاهمين على هذا العمل ووفقهم الله. Serviteurs d'Allah, dans le monde entier, il n'y a personne qui met en garde contre les khawarij, personne qui ne met en garde contre les takfiri, qui clarifie la déviance de leur voie et de leur idéologie, plus que le font les gens de la sunna, plus que le font les salafis. Ils sont donc ceux qui luttent réellement contre le terrorisme. Leurs livres et leurs cours sont présents et attestent de cela. Ajoutez à cela leur mise en garde contre les khawarij et leur réfutation dans leurs sermons, dans leurs conférences, dans leurs fatwa, leurs dépliants, leurs audios, leurs sites internet, ainsi que sur les réseaux sociaux. Et personne ne les dépasse dans cela. Et à titre d'exemple, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que près de 400 000 dépliants ont été distribués pour mettre en garde contre Daesh et Al-Qaïda depuis plus d'un an en France. Qu'Allah rétribue donc par un bien ceux qui se chargent de cela et leur accorde la réussite. وفي ختام هذه الخطبة نذكر الجميع بأهمية الجد والاجتهاد في التحذير من هؤلاء المجرمين، وأذكر نفسي وإياكم بضرورية التحالي بالأخلاق الرفيعة وإظهار محاسن دينكم في المجتمع، وليكون المسلم قدوة لغيره في أبواب الخير كلها، وعلينا بالصبر على ما قد يحصل من الأذى والثبات على ديننا، فاصبروا إن الله مع الصابرين. Et pour conclure ce sermon, nous rappelons à l'ensemble des personnes présentes l'importance de multiplier les efforts pour mettre en garde contre ces criminels qui salissent l'image de l'islam et l'image des musulmans. Comme je rappelle à moi-même, ainsi qu'à vous, l'importance et la nécessité de se parer des comportements éminents et de faire apparaître en nous et dans nos comportements les bienfaits de notre religion dans cette société. Et que le musulman soit un exemple pour autre que lui. Que le musulman soit un exemple pour autre que lui dans toutes les portes de bien. Puis, sachez que nous devrons patienter dans les jours à venir face à ce qui pourra se produire comme préjudice sur les musulmans. فالثبات الثبات أيها المسلمون. Restons fermes sur notre religion. فاصبروا إن الله مع الصابرين. Et patientez et sachez qu'Allah est avec les patients. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. واكفنا بما شئت واكفناه بما شئت. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا إنك سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.